robe tournée, ça me faisait voler bien. Grand bien me fasse. Je suis de l'aéropostal parisien. Alors j'ai traversé pour attraper tes mains. Pour danser deux, trois pas, je n'en sais trop, je n'en sais rien. Je suis pas pilote, mais je tuerais bien pour encore quelques notes. Sans dessus, dessous, de l'eau, je me noie. Saint-Martin, lorsque tes paupières j'embrasse sans aucun lendemain. Vive le printemps et vive ses parfums. Vive le reflet des oiseaux sur les toits de Zinc. Ce n'est pas à l'aube que l'on y croise des gens, mais ses rives, elles me rôdent, me parlent tout autant. Sans courant me taraude et me pousse au vent. J'en deviens filandreux et amoureux maintenant. Sans dessus, dessous de l'eau, je me noie dans tes yeux si beaux. Oh, oh, oh. Paris vu du ciel sera Venise, m'amuse. Sans dessus, dessus.